On est de retour à la Commission Saint-Onge en ce vendredi 3 avril. C'est pluvieux, mais on a eu une belle journée hier quand même. Moi, j'en ai profité. Je suis allée faire un petit tour sur une terrasse, c'est mon cher GD. Ça, c'est le fun, hein? Oui, monsieur. Il n'y a rien qui dit arrivée du printemps comme la terrasse. Ouais, et l'alcool coulait à flot. Ah, ben, la ça bonne aussi, bière. Ah, ouais. Une bonne bière frette, là, en sur effet. Une terrasse. Hey, GD, il y a eu, comment dire, beaucoup d'actions au conseil municipal cette semaine? Ça aussi, ça veut sûrement dire arrivée du printemps quand on enlève nos pantalons. Et les pantalons volaient bas cette semaine, alors qu'on a vu les policiers garrocher leurs culottes de service à nos élus. T'as sûrement vu les images à la télé. Écoute, ça valait 100 piastres. De toute beauté, oui. Drop your pants. Et d'ailleurs, il y a quelques pantalons qui volaient plus haut que d'autres. Je sais pas si t'as remarqué, il y a un conseiller qui l'a eu j'ai pas remarqué. Oui, le pauvre échevin est presque devenu un échevelé mardi soir. Et là, je pourrais vous dire que la scène de mardi évoque un paquet d'images en faisant des jeux de mots poches comme la ville devra se serrer la ceinture, ou Marc Bureau a été pris les culottes baissées, ou encore, coudonc, c'est une convention collective que t'as dans tes culottes ou t'es juste content de me voir. Mais non. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est je crois que les policiers font fausse route. Oui, il y a beaucoup d'autres choses que les policiers pourraient faire avec leurs pantalons et qui rapporteraient beaucoup plus d'ailleurs, parce qu'on sait que c'est un peu ça le problème. Il y a des négociations encore en cours avec la ville. Alors, je vous fais des suggestions, policiers, quoi faire avec vos pantalons. Tant que tu ne dis pas d'aller porter ça à Saint-Vincent-de-Paul comme le maire, ça va? Non, ben de toute façon, les pantalons, je pense, nous appartiennent. Hein, donc, ils peuvent pas aller porter ça là-bas. En première suggestion, lancez vos pantalons là où ils pourraient servir. Au lieu, entre autres, de remplir le plancher de la salle du conseil de ville, servez-vous-en pour remplir les nids de poules. Alors, 10-12 pantalons par nid de poule, puis le choc va être moins brutal, ça pourrait servir. Deuxième idée, inspirez-vous des pompiers. On rappelle qu'un des points qui achoppe pour le renouvellement de la convention collective, c'est au niveau des projets spéciaux. Apparemment que la ville veut gratter les fonds de tiroir, sauver des sous. Eh ben, au lieu d'aller lancer vos pantalons à un événement aussi peu sexy qu'un conseil municipal, faites comme les pompiers, enlevez vos culottes devant la caméra et faites un calendrier de policiers. Qu'en penses-tu, madame qui applaudit? Ah, là-dessus, je te seconde. Et c'est là la belle chose. Vous allez vendre des centaines de copies sûrement. Ramassez l'argent après ça et mettez ça sur la table pour clore le deal de votre convention. Le problème se règle tout seul. C'est-il pas beau? Et finalement, troisième idée, glorifiez votre démarche. Faites rayonner votre geste dans toute la province. Militez pour que le lancer du pantalon devienne une discipline officielle aux Jeux du Québec à Gatineau en 2010. Ben, c'est pas impossible. On sait jamais. Barack Obama est-il musulman? Oui, on apprenait hier qu'il y a plus d'un Américain sur 10 qui croit encore que leur président est musulman. Ça va bien, hein? Alors, à part une cause qui serait peut-être le manque de curiosité intellectuelle, ça vient d'où, ça? Pourquoi les Américains pensent que leur président est peut-être musulman? Ouais. Pendant la campagne électorale de 2008, la droite s'est rendue compte que c'était peut-être pas une bonne chose et surtout c'était peut-être pas de bons arguments de gagner avec ce qu'on appelle John McCain et Sarah Palin. C'était peut-être pas les meilleurs arguments. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on manque d'arguments mais qu'on veut se remonter? Je te le demande, Marie-Lou. Tu cales l'autre. Exactement, tu plantes ton voisin. Ben oui. Et là, on s'est rendu compte que Barack Obama avait dans son nom le même nom de famille que Saddam Hussein. Barack Hussein Obama. Alors, on va servir de ça et faire croire qu'Obama est peut-être, rumeur, est peut-être musulman. Et la droite croyait sûrement que les électeurs mordraient, ils sont assez niaiseux après tout. Les statistiques le prouvent d'ailleurs, je vous donne quelques chiffres. Selon un sondage de National Geographic en 2007, 6 jeunes adultes américains sur 10 savent pas où se trouve l'Irak sur une carte du monde. Bravo. Ça va bien. Autre sondage maintenant, Gallup en été 2007. 66% des Américains croient que Dieu a créé l'homme dans sa forme actuelle, il y a 10 000 ans. Autrement dit, oublions l'évolution. Exactement. Et je termine avec une troisième statistique. Selon IQ and Global Equality, le quotient intellectuel moyen des Américains est le plus bas des pays industrialisés, fait qu'on peut le raconter ce qu'on veut. Sauf que voici la faille dans le patriotisme dégoulinant de la droite. Prétendre gagner une élection en comptant sur la stupidité de ton peuple, c'est justement pas très, très patriotique. C'est ça le problème. Le pape Benoît XVI qui crée encore des remous avec son super message intelligent anti-condom. Écoute, si ça a pris 15 autres Benoît dans le passé pour perfectionner le modèle qu'on a présentement, je pense qu'il aurait dû continuer les prototypes. On a oublié l'évolution. En effet, c'est tout à fait vrai. Et cette fois-ci, c'est la Belgique qui est pas très contente. Le pays va officiellement protester auprès du Vatican après que, on le rappelle, Benoît XVI ait dit que le condom, c'est pas une bonne idée, c'est pas très bon contre le sida. Eh bien, moi, de mon côté, je trouve que l'ultime moyen d'aider la cause du sida est la suivante, l'abstinence. Pourquoi l'abstinence? Parce que c'est grâce à l'abstinence qu'on est certain que Benoît XVI n'aura jamais de descendants. Alors voilà. Ah, c'est un point qui se défend rendu là. Oui. Hey, mon espèce de poteux en puissance, toi, tu me dis que le pot est bon pour le cerveau. Ne me mets pas de joint dans la bouche, ma chère. Désolé d'interrompre votre session de munchies si vous nous écoutez en train de prouver cette théorie, mais il y a une nouvelle étude d'une université de Madrid qui prouverait que le THC, principal composant actif dans la marijuana, pourrait réduire ou même éliminer les cellules cancéreuses, comme des tumeurs, et surtout au cerveau. Mes recherchistes ont fait une étude maison là-dessus. Et entre deux descentes de police, voici ce qu'ils ont trouvé comme chiffre. On va prendre un cerveau qui, en moyenne, comporte 100 milliards de neurones, mais qui est malade. Donc, disons, 350 millions de cellules cancéreuses. Après une consommation prolongée de marijuana, le compte des cellules cancéreuses au cerveau est descendu de 85%, n'est-ce pas? Alors, 50 millions. Par contre, les neurones, le compte était rendu à 6 unités. Une diminution de... Je me rappelle plus. Alors, vous comprendrez que j'ai pas beaucoup d'estime pour ce genre d'études. Bon, arrête donc. Il y en a qui vont profiter de cette étude-là. Comme moi, je profite du fait qu'à un moment donné, j'ai vu dans une étude que le vin rouge, c'était anticancérigène. Oui, depuis... et après ça, on apprenait que le vin rouge est vraiment pas bon pour la santé. Non, c'est tellement contradictoire. Je sais, mais cette étude-là, je l'ai pas lue en 2002, là. Non. Il y a 3 semaines, c'était une étude qui était sortie, puis quelques jours après, on apprenait que la viande rouge était cancérigène. Alors moi, ce que je fais quotidiennement ou presque, au moins une fois par semaine, je prends un bon filet mignon avec une bouteille de vin rouge, et dans ma tête à moi, je me sens bien. Je crois que je fais balancer les risques de t'attraper le cancer. Faut pas trop s'inquiéter de demain. Et de toute façon, il y a plusieurs gens qui disent la phrase suivante. Dis-moi quel est le résultat de ton étude et je te dirai qui l'a commandé. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire. Aussi. En terminant, Judy, celle-là, je l'ai pas avalée encore. Moi non plus. Coup très dur pour les droits de la femme en Afghanistan. Notre grand allié afghan, le président Hamid Karzai, a donné le feu vert pour une loi qui légalise le viol et interdit aux femmes de sortir, de travailler ou de se rendre chez le médecin sans l'approbation de son mari. Dégalasse. Et je suis sûr, Marie-Lou, qu'en tant que femme, tu étais très contente d'apprendre ça. Ah non, j'avais la veine qui me sortait de la tête. En effet, alors je vous rappelle que nos soldats canadiens en burn-out se battent pour aider ce magnifique pays-là présentement. Et il y a même l'ambassadeur, ça m'a jeté à terre, l'ambassadeur d'Afghanistan au Canada hier, qui a défendu les progrès réalisés par les femmes en Afghanistan. Alors, bonne main d'applaudissements. Et en terminant, un message pour vous, femmes afghanes opprimées. Inspirez-vous des policiers de Gatineau. Rendez-vous à la prochaine réunion de vos élus et lancez votre burqa à leurs pieds. Ouh! Ça va régler le problème. Je ne crois pas vivre assez vieille pour voir ça. Non. JD, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On peut toujours aller te lire sur le blog au www.nelisezpasseblog.com. Mais pour je dis plein d'autres conneries comme ça. Non, oui, mais je dis le contraire. Lisez ce blog. D'accord. Merci, JD. Bye. Bye. Adios!